Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est Palmarès et Fou, édition Franco. Bonjour et bienvenue dans l'édition francophone des Palmarès et Fou pour la semaine du 7 au 13 avril 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et comme ça, on va faire un beau petit top 20. Là. C'est comme un genre de construction là, qu'on a fait juste pour vous. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Les 20 pièces les plus aimées, les plus appréciées des animateurs de ces fous du côté francophone, bien sûr. La semaine passée, le numéro 1, c'était Tricot Machine avec Défier les rites. Est-ce que c'est encore au sommet? Il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin pour le savoir. Mais on commence avec la seule et unique nouvelle entrée de cette semaine, c'est Michel O. Elle est sur la compilation 14e édition des Francs couvertes, voici Assise dans ma tête au 89.1 FM. Et ça, ben, c'est fou. Fait que ceux qui vous disent que c'est pas fou, là, puis que c'est juste comme un petit peu instable mentalement, hein? C'est dans le chat. La seule nouvelle entrée du côté francophone cette semaine, c'est la 20e position, Michel O avec Assise dans ma tête. C'est sur la compilation 14e édition des Francs couvertes. Dans le prochain bloc, on va entendre quelques pièces qui ont changé de place. Il va y avoir Mimi Van Der Glo tantôt qui descend. Orange Orange descend aussi. Même chose pour les Amis au Pakistan qui va débuter le bloc. Ça descend de 10 places. C'est rendu en 19e. Voici Nobody tout de suite dans les Palmarès, c'est fou au 89.1 FM. Et je vous rappelle d'aller voir le www.assemblagerequis.com pour télécharger la balado-diffusion et c'estfou.ca pour nos écouteurs en direct sur Internet. numéro 18. Oh non, essaye pas ça. Mimi Van Der Glo avec Hitler en chocolat, ça passe de la 12e à la 17e place. Avant, c'était Orange Orange avec Je suis le héros, leur hit, qui descend de 7 places. Et avant, c'était Les Amis au Pakistan avec Nobody, qui descend de 10 places. C'est sur leur album Cosmétique Cosmique. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est Fou et on continue jusqu'au numéro 1. Hein, vous le savez, la semaine passée, numéro 1, c'était Trico Machine avec des filles et rites. Ça, ça a monté là, d'un coup sec, ça. Je me rappelle, il y a quoi, 5 semaines, sa nouvelle entrée. Là. En tout cas. Bref, prochain bloc, il va y avoir le Husky avec Dis-moi qui descend d'une place, mais on débute avec Vanessa Pariétaire qui, elle, descend de 8 places. Voici Givresse au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Doucement perdre la raison. Dis-moi, avant que je devienne comme toi. Quel effet ça fait de plus savoir comment rire? Quel effet ça fait de ne plus jamais sourire? Quel effet ça fait de se sentir engourdi? Quel effet ça fait de sentir la maladie? Dis-moi, avant que je devienne comme toi, y a-tu quelque chose qu'on peut faire? C'est-tu possible de revenir en arrière? Quand c'était beau, quand Caroline enlevait son maillot, oh, oh, oh, oh. Y a-tu quelque chose qu'on peut faire? C'est-tu possible de revenir en arrière quand c'était beau? Quel effet ça fait d'être tout seul dans son lit? Gros comme une fourmi, triste comme un pissenlit. Quel effet ça fait de ne plus aimer la vie? Quel effet ça fait de ne plus aimer la vie? Dis-moi, avant que je devienne comme toi, y a-tu quelque chose qu'on peut faire? C'est-tu possible de venir en arrière? Quand c'était beau, quand Caroline enlevait son maillot. Qu'on peut faire, c'est-tu possible de revenir en arrière quand c'était beau? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire, c'est-tu possible de revenir en arrière quand c'était beau? Leoski et Dis-moi, position numéro 15, ça descend d'une place. Et avant, c'était Vanessa Parietta avec Givresse qui, elle, descend de la 8e, mais maintenant, c'est en 16e place. Les deux pièces viennent de l'album Les Frères du Son, volume 1, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet. C'est lesfrèresdusson.com. Il faut visiter pour télécharger ça et voir leurs entrevues avec plein de groupes, dont Vanessa Parietta. C'est vraiment très, très bon. On aime ça, Les Frères du Son. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès, c'est fou. Et puis, bientôt, plus tard dans l'émission, on va avoir des groupes que vous connaissez, que vous aimez, comme les Trois Accords, qu'est-ce qu'il y a, les Vulgaires Machins, Tico Machin, qui était numéro 1 la semaine passée, on va les entendre plus tard, Xavier Caffeine, plein de bonnes choses, des noms connus. Mais avant ça, des noms un petit peu connus, hein? Bernard Adamus, je pense que vous avez peut-être entendu parler, la pièce Cauchemar de course s'en vient. Mais avant ça, voici le Sabot Trio et Jenny Girl en 14e position. C'est au 89 FM, c'est fou. Hein? Oh, on a, j'ajustais mon poste, regarde-moi ça. Là, il est ajusté, c'est correct, on y va. 89 FM, oui. Alors, Jenny Girl, as-tu trouvé ton Johnny Boy ce soir? We'll be right back. Autour, Bernard Adamus, Bravo Funken, et le volume était au maximum dans les palmarès CFO édition franco. Numéro 13. J'ouvre les yeux, pis j'vois Saint-Pierre, tu pointes toi et deux biens, sont dans la glacière. Pis il me dit, hey là, viens ta mon petit gars, ça se passe par là. Y'a trop de lumière, j'vois rien ici, mais j'entends Jésus qui m'invite. Assis à une table avec Ben Laden, pis le PD, j'ai du CNN. J'me dis, hey là, ils vont tu me dire tout haut ce qui passe tout bas. Fait que je m'assois parce que j'ai une faim de loup. La waitress, ça me fait Dieu doux. Mais je check comme faux pis je comprends pas. Elle a la face à Mandela pis je me dis, hey là, tu penses quelque chose et c'est on me le dit pas. Ben Laden mange des frites, il est en chasse à Swift à l'eau bénite. Pendant que si Jésus toi à les veines, Mandela suçait sa graine. Pis je me dis, hey là, tu passes quelque chose et c'est moi je m'en vais de là. Ça prend le blabla, faire un monde. Je me dis, hey là, ils vont poigner des gars, shooter dans le tas. J'aboutis, je toquais des brumes, moule bleu, hey, il me sert pas de la tarte. En haut du bar, je vois une pancarte. Vide la place avant que tu partes. Bernard Adamus et Cauchemar de course descendent de 10 places et la 13e position francophone. C'était précédé du Sabot Trio avec Ginny Girl qui descend de la 6e place. Donc deux pièces qui chutent pas mal, mais bon, au moins ils sont encore là pour un petit bout, je l'espère pour eux. Alors, passant à leurs albums, Bernard Adamus c'est Brun et le Sabot Trio c'est Martini Extra Gloss. Ensuite, dans l'édition francophone des palmarès C'est Fou, on approche du point de sauvegarde, de la mi-chemin des palmarès. Pourquoi est-ce que je crie comme ça des fois? Aucune idée. On va entendre le volume était au maximum. C'est peut-être pour ça, hein? C'est peut-être Danon hein, que je parle fort dans ce temps-là. Mais avant, je vais me féliciter de ma prononciation. Voici Bravo Funken. Avec ta mère va danser, ça monte de 5 places. Vous êtes au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. On sait jamais vraiment à quoi s'attendre. C'est rarement drôle. Mais bon. Au moins, ça fait de quoi comme un bruit de fond. numéro 11. Le volume était au maximum avec la pièce Love qui monte de 7 places. Avant, c'était Bravo Funken et Ta mère va danser. Ça monte de 5, c'est en 12e position. Ah, que les choses avancent vite et le prochain bloc va nous faire dépasser officiellement la moitié du palmarès. Donc, on est très, très heureux. On a la moitié de fait. Hein? Crochet à côté de plein de pièces. Les choses avancent bien. Je vous rappelle le numéro 1 de la semaine passée. C'était Tricot Machine avec Défi les rites, la pièce titre de leur plus récent album. J'ai bien hâte de savoir si ça va être encore une fois au sommet. Ça me surprendrait pas. Je sais pas, j'ai comme une intuition, mais en même temps, mes intuitions sont souvent fausses. Très souvent. Prenez ça comme vous le voulez. Ça veut dire que c'est pas vrai! Bon. Prochain bloc radio, mais on commence avec Waving Hands. Voici une exception, un phénomène inexpliqué, une pièce qui est pas mal juste en anglais, mais elle s'appelle Bonne nuit mon cœur, et des fois, ça dit Bonne nuit mon cœur dedans. Donc, c'est en francophone. Et c'est au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou! Oh oui. voice as you say, as you say. Bonne nuit mon cœur, I can touch your whispering voice while you are cuddling my side. I can touch your whispering voice as you say, as you say. Radio et Dexchou descendent la deuxième place. C'est la position numéro 9 maintenant. Et avant, c'était Waving Hands avec Bonne nuit, mon cœur, qui monte de 6 places. En fait, il n'y a pas d'accent anglophone quand il dit « Je ne sais pas pourquoi je prends un accent. Bonne nuit, mon cœur, bébé. Oh, c'est que c'est bébé. » Donc ça monte. C'était une nouvelle entrée la semaine passée de Waving Hands, de leur album Places, que j'adore ça. Sérieusement, j'adore cette pièce. Ça, c'est trop génial. Continuons. continuons. Le prochain bloc est composé des 7e et 8e positions. On va avoir les trois accords avec croquer des coups tout à l'heure. Mais avant ça, voici Patrick et Brut qui montent de deux places. C'est J'ai peur de la mort. Au 89.1 FM, vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou. Get to the beat. Les trois accords et croquer des coups, ça descend de la quatrième à la septième position francophone. Avant, c'était Patrick et les Brutes avec J'ai peur de la mort. Et ça, ça monte de deux places. L'album s'appelle Toutes les filles sont folles de moi. Celui des trois accords, ben, c'est évident, ça s'appelle Dans mon corps. Hein, comme la chanson de mon corps, j'ai une fille. C'est là, là. Je suis peut-être en édition francophone des Palmarès, c'est fou, je suis jamais vraiment où je m'en bats avec ces affaires-là, sérieusement. Je pense que vous me connaissez assez pour le savoir. On va voir tantôt Fred Fortin avec le cinéma des vieux garçons, très très bon ça, mais avant, là, tout de suite, on se taille un petit peu de Damien Rowe, bi-taille. Voici, on est nu. On se taille, ah, oh, Colin, hein, n'importe quoi. Vous êtes au 89 FM, c'est fou. Retour, on entre dans le top 5 avec Vulgaire Machin, Carquoise, Avis Caféine, Tricot Machine et tellement plus au Palmarès C'est Fou, édition Franco. Numéro 5. 1, 2, 3, 4. J'ai quitté la maison quand elle m'a dit de partir sans lui demander la raison. C'est pas comme si je la voyais pas venir. À virer tout et bon dans le salon. Elle portait sa robe des grandes occasions. versait une larme tandis qu'au fond de moi, j'avalais le mouton. J'ai compris quand à mon anniversaire j'ai reçu les clés du Pontiac, que ça laissait aussi entendre à cette heure tes clics et puis tes claques. J'ai regardé le bonhomme dans sa chaise, ses yeux cherchaient de l'air dans ses lunettes épaisses. Et même sa perruque ne pouvait contenir le malaise qui régnait sous son toit. Tu as 40 ans, ça fait un peu grand. J't'en prie, maman, don't let me go. Dans un deux et demi de la main à Dolby. À la projection, et j'ai le sentiment que maman est très fière de moi. Là-bas dans sa maison. Fred Fortin, le cinéma des vieux garçons monde de place, c'est la cinquième position du palmarès francophone. Avant, c'était Damien Robitaille avec On est les nus, On est les nus. Ça, ça monte de la 15e place, c'était une nouvelle entrée la semaine passée, donc ça a franchi pas mal le deux tiers du palmarès, je dirais environ. C'est son album Homme Autonome et c'est pas la première pièce de cet album-là, je crois que c'est la troisième. Il y a eu au moins Homme Autonome et Mot de passe. Je ne pas tout le fond complet, ça va être pénible pour vous autres. Prochain bloc, on va entendre Carquois, mais tout de suite, voici Vulgaire Machin avec Parasite. Je connais même pas les paroles. Déserte. numéro 3. Ouais, les chemins de verre, ça monte de 17 places. Oui, c'est passé de la 20e à la 3e, mais c'est sa deuxième semaine, donc c'était tout nouveau la semaine passée. Et Colin, que ça monte vite. Est-ce que ça va être numéro 1 la semaine prochaine? On sait pas, hein? On le demande. C'est tout ce qu'on peut faire dans la vie, la demander, espérer, se croiser les orteils, etc. Avant Carquois, c'était les Vigas Marchand avec Parasite, et ça monte d'une place. Troisième semaine, donc ça a monté très, très vite, cette pièce de leur album Requiem pour les sourds. Ah, il nous reste pas grand-chose hein, avant de passer au numéro 1. Il nous reste seulement la deuxième position. Et je regarde ça, puis c'est plus... c'est vraiment comme déprimant. Je sais que c'est difficile de vous annoncer une nouvelle comme ça. Je vais vous l'annoncer comme ça. Tricot Machine n'est plus au numéro 1. Ah, je sais, ça fait mal. C'est dur à entendre des choses comme ça. On va aller écouter tout de suite Tricot Machine en deuxième place avec Défier les rites au 89.fm. Ah, je t'ai dit, en plein après-midi, de même une nouvelle comme ça, là, non, nous sommes menteurs. On va se relever après, hein? OK. On est parti en sauvage, sans faire le ménage, je nous reconnais pas. On est sorti par derrière. On a fermé les lumières, libéré le chat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. faire sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite. On a sauté des clôtures, fait tomber des murs du bout de nos doigts. Respirer l'air pur et trouver la foi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté pour rien. Remis l'ordre à sa place, c'est tout ce dont il a besoin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. Remis l'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite. Rico Machine et la pièce Défilérite, pièce titre de leur plus récent album qui s'appelle aussi Défilérite. Hein? C'est un beau hasard comme ça. Vous savez quoi, on est rendu au numéro 1. Je regarde ça. C'est un artiste qui a beaucoup monté. Hein? C'était une nouvelle position, une nouvelle pièce la semaine passée. Puis ça a monté au numéro 1 d'un coup sec comme ça. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a fait des prières? Est-ce qu'il a été voir le pape pour lui demander « Je peux-tu être numéro 1 à C'est fou 89.1 FM? » Puis il l'a eu. Ben, Colin. Et en première position. C'est la mort de Théo. C'est position numéro 1 du palmarès francophone de C'est fou. Mais avant de dire le numéro 1, faisons un petit résumé, un petit récapitulatif, un petit rembobinage du top 5. En cinquième position, on retrouve Fred Fortin avec Le cinéma des vieux garçons. En quatrième, c'est Les vulgaires machins avec Parasite. En troisième, Carquois avec Les chemins de verre. En deuxième, Tricot machine avec l'ancien numéro 1 de Défier les rites. Et on vient d'entendre une pièce qui monte de la 19e position. C'est donc sa deuxième semaine, Darwin au Vatican de Xavier Caféine. C'est sur son album Bushido. Oh que oui, que c'est le numéro 1. Est-ce que ça va rester la semaine prochaine? Là, à un moment donné, on va commencer à arrêter de poser cette question-là, là, hein? Ça va faire. Et voilà. Et les auditeurs du vendredi qui écoutent en rediffusion entre 17h et 20h, ils nous quittent pour aller rejoindre les lutins de l'enfer qui vont commencer à 20h. Nous, les jeudis, parce qu'on est en direct, les mercredis et jeudis entre 13h et 15h. Et on va continuer avec une dernière demi-heure remplie de top 30 des CD surtout, et même de quelques albums d'artistes qui sont dans nos top 20, mais qui ne sont des pièces qui sont pas dans le top 20 eux autres. Hein? C'est-tu clair? Restez avec nous, vous allez voir, c'est la portion extra sauce brune. Alors, au revoir, et puis si vous nous quittez, écoutez Assemblage requis du lundi au jeudi à 15h, je vous le conseille fortement. Bye! Vous êtes toujours en direct au Palmarès C'est fou, mais avant de continuer, voici un avant-goût de ce qui s'en vient tout à l'heure à Assemblage requis. Jeudi à Assemblage requis, Stéphanie Gagné nous surprendra toujours avec ses coups de cœur dans sa chronique Ton plat favori, et Mathieu Sétonge et Luc Archambault nous prendront toujours par les émotions avec une toute nouvelle capsule de Vie dans la question. Tout ça et vous, on l'espère, à Assemblage requis, jeudi 15h. Et c'est ce qui s'en vient à Assemblage requis, soyez à l'écoute, c'est juste après les Palmarès C'est fou. Vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou. Oh oui, c'est vrai, il nous reste une demi-heure. Donc, ce qu'on fait dans cette dernière demi-heure-là, pour ceux qui sont pas trop courants, c'est qu'on parcourt les autres palmarès. Tout ce qui est pas top 20 francophone et top 20 anglophone, que ce soit le top 30 des CD, le top 10 loud, le top 10 électronique, le top 3 des disques canadiens, le palmarès des radios communautaires et universitaires du Canada. Tout ça dans une belle demi-heure qu'on appelle la portion extra sauce brune. Alors, on va commencer avec une pièce qui, en fait, je vous explique le concept aussi de ce petit bloc-là en particulier, parce que celui-là est un petit peu spécial, et on commence avec ça pour vous mêler le plus possible, tu sais. Bon, pour éliminer les gens qui ne comprennent pas trop. On va l'entendre une pièce d'un album d'un artiste qui est dans le top 20 francophone, hein? Mais une autre pièce qu'on n'a pas encore entendue si souvent que ça. Et la formation Waving Hand, tantôt j'ai passé un commentaire comme quoi c'était une de mes pièces préférées en ce moment, Bonne nuit mon cœur, j'adore ça. On entend des fois d'autres pièces là, comme The Man Living on the City Landfill Cell, on entend Bal Masqué une fois de temps en temps, j'ai déjà fait jouer Hôtel d'Allier, je pense que c'était la semaine passée à peu près à la même heure qu'aujourd'hui. Enfin bon. Mais j'ai jamais vraiment entendu Abandoned Church, je crois. Donc on l'écoute à l'instant. Et après ça, on plongera dans le top 30 des CD. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Hein? Il faut expliquer, ça a presque du sens. Presque. The walls were falling in the street. We shaped this place for creeds and donnies. We shaped this place for creeds and donnies. We stayed inside for one few more days, long enough to forget how we came in. Place for granted. We shape this place for greeds and donnies. We shape this place for greeds and donnies. Waving Hands et la pièce Abandoned Church, ici dans les palmarès, c'est fou. Et ça, c'est une autre pièce d'un artiste qui est dans le top 20 anglophone, francophone. J'oublie toujours que la pièce est quand même un petit peu en anglais, mais bon, c'est dans le top francophone, fait que c'est ça. Palmarès francophone. Maintenant, on change un petit peu de sujet. On va aller visiter un petit peu le top 30 des CD, ici, assez fou. Parlons-en, tiens. Nouvelle entrée en position numéro 19 pour l'album The Parade par Cameromance. Cameromance qu'on a entendu dans l'émission d'hier, parce qu'ils sont en nouvelle entrée du côté anglophone. Et justement, tu sais, un nom comme Cameromance, si c'est en anglophone, je devrais dire Cameromance. Hein? Dire comme ça, on aime ça. Donc voilà, ça c'est la position numéro 19, la seule nouvelle entrée du top 30 des CD. On va écouter trois extraits de ce top 30. Il va y avoir tantôt en 21e place Rocky ou Rocky Erickson and Okkervil ou Okkervil River, hein, dépendant des gens. L'album s'appelle True Love Cast Out All Evil. On va aussi entendre du Dr. Doug avec l'album Shame Shame. Mais on commence avec la 27e position qui monte de 3 places dans le top 30 des CD. C'est Jill Zmood avec l'album As We Quietly Drive By. Et on va tout de suite entendre la pièce East of the Line dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Hein? C'est dans mon dire les affaires, comment ça? East of the Line, gars. Ça joue là. Comme par magie, c'est comme, tu sais. Wow. Mm-hmm. these old hills, they sit still as we quietly drive by. Shadows change, but it's the same. Empty, aching, open sky. Empty, aching, open sky. Oh, I never felt this alone. Walking down your dirt roads, laying next to your lady. Cold snap blows right through my clothes, and daylight's dying as it's born. The quick to find ties that bind, bring warmth to things winter warm. Bring warmth to things winter warm. I never felt less alone. Walking down snowy roads, waking next to your lake, watching the day make its break with the night. East of the light, east of

Trois extraits du top 30 des CD de C'est fou. Hein? On va faire un petit peu d'ordre là-dedans parce qu'on a entendu pas mal de choses. On vient de terminer le bloc avec Rocky Erickson and Okkervil River avec la pièce Two-Headed Dog. C'est dans le top 30 en position numéro 21 avec l'album qui se nomme True Love Cast Out All Evil. Avant ça, c'est un artiste texan en passant. Avant ça, il y a eu Dr. Dog. Dr. Dog qui est en position numéro 26 du palmarès top 30 des CD avec Shame Shame. On a entendu la pièce Stranger. Eux, c'est... De où est-ce qu'ils viennent, les hommes? Où est-ce qu'ils viennent? En tout cas, on s'en fout. Et avant ça, il y a eu Jill Smud. Oui, avec East of the Line. Jill Smud qui est en position numéro 27 du top 30. Et puis, l'album s'appelle As We Quietly Drive By. Je dirais que les deux derniers qu'on a entendus là, ça pourrait pas mal être dans le top 20 anglophone. Je pense surtout, hein, Jill Smud, c'est un petit peu folk. Bien, j'aime le folk, je sais, mais dans le top 20, c'est rare qu'on entende du folk, je sais pas. C'est comme une drôle de tradition qu'on a. Que voulez-vous? Alors, on va continuer avec d'autres artistes du top 30 des CD, parce que j'en ai envie. On va entendre du Flight of the Conchords tantôt. Ils sont des habitués des palmarès, eux. Leur album s'appelle I Told You I Was Freaky. On va entendre le morceau You Don't Have to Be a Prostitute. Pas obligé d'être une prostituée. Mais avant ça, faut vraiment que je vous traduise tout. Hein? Mais oui. Avant ça, on va entendre Galactic. Leur album est Yakame. Et on écoute tout de suite You Don't Know. Au 89.1 FM, c'est les palmarès. C'est fou. Portion extra sauce brune. Damn noise. the street light, there's a man whose pants are too tight. Oh no, his pants are too tight. My pants are too tight. He stands there, an empty stare, trying to make enough money for his cab fare home. He'll have to walk home tonight. Don't have enough for the ride. The streets are cruel, he tries to act cool. He goes to work with only his one tool. You can put away your tool, your man. You don't have to be a prostitute. No, no, no, no, no. You can say no to being a man whore, a male gigolo. You don't have to be a prostitute. No, no, no, no, no. You can say no to being a night looker boy who can rent boy bo ho. In the city. I cannot see my way out. He can't see his way out. Male prostitution seems to be my only option. He can't see his way out. I cannot see my way out. He can't see his way out. No, no, no, no, no. You're selling cheap thrills to pay expensive bills. But check your resume, you must have some other skills. Do you have any other skills? Like typing. They see him wanting to please them, wanting to play them, but they don't even pay him. Oh no, no, they don't think he's worth it at all. Though there are no one, he tries to bring them home. Maybe it'd be okay if he lived alone. Ooh, you have a roommate, your man. Just bring them home. You don't have to be a prostitute. No, no, no, no, no. You can say no to being a man whore, a male gigolo. You don't have to be a prostitute. No, no, no, no, no. You can say no to being a night looker boy, hooker, red boy, bro, bro. Ah, ça fait penser, ça. C'est de la musique à parole qu'on dit. C'est... T'es pas obligé d'être une prostituée. Pas obligé du tout. On vient d'entendre Flight of the Conchords avec You Don't Have to Be a Prostitute. Flight of the Conchords qui est en position numéro 3. C'était le numéro 1 la semaine passée du top 30 des CD avec leur album I Told You Was Freaky. Avant ça, c'était Galactic avec You Don't Know. Une autre pièce qui commence par les mots You Don't. Hein? Drôle de hasard comme ça. Galactic est en position numéro 18 du palmarès avec l'album Yakame. Voilà. Ah, c'est presque la fin des palmarès, c'est fou, étrangement. On s'en va vers Assemblage Requis, on traverse le petit pont avec le petit panier vers chez grand-maman, mener du... qu'est-ce qu'il y avait dans le panier du chaperon rouge, je m'en rappelle pas, mais c'est pas grave. On va se quitter avec une pièce de OK Go, valeur sûre, l'album s'appelle Out the Blue Color of the Sky. J'ai envie de vous faire entendre Before the Earth Was Round. Et on se retrouve juste après la pause. Key One va être là, le party va pogner dans la place, toi. Va t'écœurer, restez là.